Et il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver pour cette première émission de cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux à vous ainsi qu'à tous vos proches et plein de bonnes choses, en espérant que 2022 soit un peu moins pourri quand même que ne l'ont été ces deux dernières années. Mais ça, on le verra à l'usage. Donc, vous n'avez pas eu d'électrique choc ces deux dernières semaines. Bon, des petits soucis de santé, voilà. Mais bon, c'est maintenant rétabli. Donc, vous allez pouvoir vous régaler ce soir pour bien commencer l'année avec 2 heures de métal en fusion. Et croyez-moi, vous allez être gâtés puisque je vous ai prévu pas moins de 6 nouveautés quand même. Et aussi, vous allez avoir aussi un petit Noël en retard parce que vous savez que tous les ans, parce que j'ai la chance de pouvoir compter le Père Noël parmi mes potes. Et quelques temps avant Noël, il vient toujours me rendre visite, on boit quelques binous, etc. Et puis il me laisse toujours un sac avec plein de choses pour vous. Et cette année, j'ai pas pu vous les distribuer de sa part, mais on peut jamais trop tard pour bien faire. Donc, on va faire des petits cadeaux de Noël en retard aujourd'hui. Donc, je compte sur vous pour appeler au 02 38 43 48 00 durant toute l'émission. Il y a plein de choses, hein. Des CD, des t-shirts, des posters, des gadgets promotionnels, plein de choses, bien évidemment. Donc, pour bien commencer l'année, on va faire un petit tour du côté de Strasbourg. On va retrouver le groupe de métal industriel Dust in Mine, que je vous ai présenté il y a de ça quelques semaines, et leur quatrième album City Rail. Et on va commencer tout de suite avec un morceau qui s'appelle Lost Control. Je vous attends au 02 38 43 48 00 pour les petits cadeaux de Noël en retard. premier album pour Black Elbord Disorder, qu'on vous a déjà présenté il y a quelques semaines, c'était My Difference à l'instant, et juste avant, venu d'Alsace, Dustin Mine, qui nous présentait leur quatrième album City Rail avec le morceau Lost Control. Je vous ai promis des nouveautés en début d'émission, voici donc la première. Donc avec un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui existe depuis 2016 et qui vient de sortir son premier album, qui est sorti là tout début décembre. Ce groupe s'appelle Once Upon the End. Alors c'est un mélange de death metal mélodique en passant par du black metal. Il y a des passages assez prog. Il y a des moments où on est quand même pas très loin du hardcore. Donc ils nous prennent leur premier album qui s'appelle The Next Chapter. Et en fait c'est un concept album qui se passe dans un monde post-apocalyptique entre Mad Max... Enfin bref, il y a plein de bonnes choses, donc la musique va à merveille avec ce genre de concept, comme toujours. Le morceau que je vous invite à découvrir ce soir s'appelle Children of the Dust. Puis pour l'instant, vous n'avez pas l'air de vouloir un petit cadeau, enfin je vous rappelle le numéro au cas où vous l'auriez oublié, 02 38 43 48 00. You're born in a garbage dump. Oh! on s'est bien décrassé les tympans avec cette jolie doublette. À l'instant, les Fous Furieux de Primal Rage et leur album Awakening the Masses, qu'on vous a déjà présenté en mois de décembre. Et le morceau, c'est FFF. Juste avant la première nouveauté de l'année de l'émission de ce soir, le groupe Once Upon the End et leur album The Next Chapter. Curieux pour appeler le premier album The Next, déjà. Enfin bon, à voir. Et c'était le morceau Children of the Dust. On va se faire quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll maintenant, et un groupe de légende, puisqu'on va revenir à la réédition du Destroyer 45 pour les 45 ans de la sortie de cet album mythique, qu'on peut trouver dans un superbe coffret avec plein de démos, des lives, plein de choses, etc. Ou sinon, pour les gens comme moi, moins fortunés, un double CD contenant donc l'album remasterisé, puis plus un petit best-of de tout ça. Et ben pour ce soir, je vous ai choisi un morceau complètement inédit, extrait donc des démos de Gene Simmons qui s'appelle Rock'n'Roll's Voice. Voilà. Donc Rock'n'Roll avec Kiss, extrait du Destroyer. Bon, vous aurez reconnu sans problème, j'imagine, Guns N' Roses avec un morceau inédit, Shadow of Your Love, qui figure sur la réédition de Appetite for Destruction, qui était ressorti en 2018, avec à l'époque donc tous les face B des 45 des singles, tout ça, et quelques inédits et quelques démos, dont ce morceau en l'occurrence. Juste avant Guns N' Roses et dans le même esprit, réédition de Destroyer pour Kiss, qui cet album qui s'appelle donc ses 45 ans. C'était un morceau inédit donc tiré des démos de Gene Simmons qui s'intitulait Rock and Roll Rolls Royce. Eh bien, un grand merci, un grand bravo à Christophe, c'est le fidèle auditeur qui est en même temps un musicien bien connu de la scène orléanaise puisque il est guitariste de Prisma entre autres et de plein d'autres choses, qui a un peu gagné un petit cadeau qui est donc le premier ce soir. Eh bien, ne me dites pas quand même qu'il est le seul à écouter ce soir et avoir envie de gagner quelque chose. Donc je vous rappelle le numéro que vous l'auriez pas bien noté, 02 38 43 48 00. On va faire quelque chose de plus bluesy maintenant, puisqu'on va se faire un artiste qui s'appelle Jérôme Pietri. Donc c'est une figure du blues. Je crois qu'il est de Clermont-Ferrand. Je crois. Enfin, j'ai pas bien eu le temps de regarder la bio comme il faut. Enfin, toujours est-il qu'il nous a sorti un album en cette fin d'année qui s'appelle Last of the Fishing Days. Et pour ce soir, je vous invite à découvrir le morceau Blood Money. believe I called you. C'est toujours bon. Ghost Mule, le groupe de Warren Haynes, l'ancien guitariste de Allman Brothers, et son fabuleux groupe Ghost Mule, et c'est leur nouvel album Heavy Load Blues, qu'on peut trouver dans une version deluxe double CD. Et là, c'était le morceau Feel Like Breaking Up Somebody's Home. Par contre, juste avant, bien de chez nous, Made in France, Jérôme Pietri et son nouvel album Last of the Fishing Days, Blood Money. Et ça, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Et on va faire un petit coucou et un merci à l'ami José, fidèle auditeur de longue date, qui lui aussi a raflé un petit cadeau de Noël en retard. Voilà, donc si vous avez envie de faire comme lui et Christophe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez encore à peu près une bonne heure et quart. Il suffit d'appeler au 02 38 43 48 00. Maintenant, on va se faire quelque chose de beaucoup plus métal traditionnel avec un jeune groupe, enfin jeune groupe qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années et qui commence à faire son petit chemin sur la scène française. C'est le groupe Existence, dont on dit beaucoup de bien et à juste titre d'ailleurs. Et comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, Existence, j'avais eu la chance de les accueillir ici pendant l'Electric Shock il y a de ça un peu plus de 10 ans maintenant, donc à leur tout début pour leur démo. Oui, on avait passé un super moment. Donc on va revenir à leur dernier album Wolf Attack qui est sorti fin octobre et on va se faire le petit morceau Sniper Alley. Allez, je sais que je me répète, mais 02 38 43 48 00. We'll be right back. Elle est extrait de Wolf Attack, le dernier album d'Existence et Existence. C'est le dernier coup de cœur de l'année 2021 pour Electric Shock. Si vous avez écouté, là, vous comprenez pourquoi. Faisons une petite pause maintenant, allons vers quelque chose de beaucoup plus acoustique. Et pour ça, on va revenir à l'album intermède de Beneath My Sins. Beneath My Sins, tout simplement. Je ne sais plus comment dire. Et qui s'appelle An Acoustic Journey Part 1. Et on va se faire une petite douceur qui s'appelle Unpredictable. triturez pas les boutons de votre poste. Non, non, je vous rassure, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et c'est bien Electric Shock que vous êtes en train d'écouter actuellement. Electric Shock qui est... a lieu tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Cette petite parenthèse acoustique, là, c'était le moment acoustique choc ce soir. C'était les Parisiens de Beneath My Sins et leur album Intermède, An Acoustic Journey Part 1. Et vous avez eu droit au morceau Unpredictable. Eh bien, on va se refaire une nouveauté, la troisième de la soirée. Et on va revenir à un groupe anglais qui vient de fêter ses 25, qui devait fêter ses 25 ans d'existence en 2020. Il s'agit de Orange Goblin, le groupe de Doom bien connu. Donc Orange Goblin, comme beaucoup de gens, ben 2020 a vu tous leurs projets tomber à l'eau. Ils avaient prévu une grande tournée pour leurs 25 ans d'existence, avec aussi quelques concerts un peu spéciaux justement pour faire un petit best-of de leur carrière. Enfin bref, tout ça s'est tombé. Donc comme beaucoup de groupes comme eux, ils ont rongé leurs freins. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre ça à profit? Alors, refaire un album, ça faut peut-être avoir les moyens de le faire. C'est quand on est un groupe comme de catégorie moyenne, enfin, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est pas toujours évident de trouver les fonds. Ressortir des vieilleries, des vieux morceaux inédits, etc., des fonds de tiroir, mais apparemment, ils en avaient pas tant que ça. Donc, du coup, ils sont plongés dans leurs archives live et ils ont trouvé quelques bons concerts assez récents, des concerts enregistrés entre 2016 et 2019. Ils ont choisi quelques extraits de ces concerts. Entre autres, on y trouve des extraits du Sailac Open Air Festival, bien de chez nous en France, de Londres et de Athènes. Ils ont mis donc ces morceaux à disposition sur leur Bandcamp, qui d'ailleurs ça a eu beaucoup de succès auprès de leurs fans, et à tel point que beaucoup leur ont dit « Mais alors, c'est bien joli ce truc, mais ce serait bien que vous nous fassiez une sortie physique, vinyle et CD. » Et ben pour cette année, fin d'année 2021, c'est ce qu'ils ont fait, donc un petit cadeau pour leurs fans, un petit live sympa qui s'appelle donc « Rough and Ready, Live and Loud », qui porte très bien son nom. Donc, extrait de cet album, je vous invite à découvrir « Made of Rats ». tired of whining. While this town I'm trying to move. Yeah, I'm out of my depth here. Said I'm out of my mind. No one showed me an outdoor. And I didn't come in here to die. We'll be right back. petite doublette live de Orange Goblin, extrait de l'album Rough and Ready Life and Loud, sorti en fin d'année pour leur 25 ans de carrière, et c'était The Wolf Bites Back et Made of Rats. Voilà, et donc, nouveauté de la soirée. Eh bien, il est 20h passé de 5 minutes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bah, ça se bouscule pas beaucoup au standard, hein. Bon, allez, il vous reste encore 55 minutes. Je vous rappelle le numéro 02 38 43 48 00. Vous avez pas envie de rafler un petit cadeau? Un petit cadeau de Noël un petit peu en retard? Ça fait comme toujours du bien quand même. Enfin bref. Je ne veux pas vous commander, mais enfin, moi, je serai vous. J'appellerai. Enfin voilà. Restons en live maintenant avec Armored Saint et son superbe album Symbol of Salvation, pareil qui est sorti il y a de ça 30 ans, enfin 31 puisque nous maintenant nous sommes en 2022, et Armored Saint avait donc enregistré en 2008, et savoir pourquoi c'est à ce moment-là, et on va se faire donc un extrait de cet album, c'est Last Train Home en live, et là on s'aperçoit quand même que les concerts, bah ça nous manque hein, quand même, encore un peu de patience. superbe Last Train Home, extrait du Symbol of Salvation live CD-DVD de Armored Saint sorti fin octobre. Refaisons-nous une petite nouveauté, la quatrième de la soirée. On va faire un tour du côté de Rennes. Oui, on va trouver ce groupe qui s'appelle Death Broad, qui existe donc depuis 2017, qui a sorti déjà EP en 2019 et qui vient de sortir son premier album là au mois de novembre qui s'appelle Hell Real. Comment décrire Death Broad? Bah, ni plus ni moins que du rock'n'roll péchu. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous invite tout de suite à découvrir avec Dawn of Men. We always fight alone. que ça fait du bien de se replonger dans la boîte à souvenirs. The Almighty avec Joy Ben One Time, extrait de leur deuxième album Soul Destruction qui était sorti en 1991. Ah ça, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter, ce putain de CD. Y a pas à dire. Juste avant, et quatrième nouveauté de la soirée, Death Brood, groupe qui nous vient de Rennes, et son premier album Hell Real, et c'était Dawn of Man, du rock'n'roll péchu. Bah, c'est vrai qu'on a eu une belle doublette à l'instant. De rock'n'roll péchu, maintenant on va passer à du hardcore et on va revenir au savoyard de Feed with Sharks et leur EP éponyme avec une petite douceur qui s'appelle Ear. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Ben, on s'en écrit quelques-uns avec cette petite doublette. Les Parisiens Fishing With Guns et leur premier EP Under the Silver Lake, c'était Beware the Dog Killer. Et venu de sa voix, c'était Feed With Shark juste avant, pareil de leur EP éponyme. Et c'était le morceau Ear. Je vous rappelle qu'il reste encore une demi-heure d'émission et que si vous voulez rafler des petits cadeaux, voilà, il suffit donc d'appeler au 02 38 43 48 00 si vous voulez faire comme les deux auditeurs précédents qui eux ont eu envie d'avoir un petit cadeau sympa pour terminer les fêtes de Noël. Encore une nouveauté, la cinquième de la soirée avec un album qu'on n'attendait pas tellement, donc j'ai appris la sortie d'ailleurs presque par hasard. Enfin, si vous allez voir les sorties, on s'était annoncé que c'était devait être sorti fin novembre, d'autres au mois de décembre, d'autres voire même en début d'année là actuellement. Enfin bref, toujours est-il que j'ai réussi à me le procurer, ça veut dire qu'il est sorti. C'est le premier live de Nashville Pussy. Alors bon, des lives de Nashville Pussy, il y en a eu déjà quelques-uns, enfin quelques-uns. C'est par exemple, si vous avez prenez l'édition, tour édition de From Hell to Texas, vous aviez un live, une compile live en Europe. Et sur la compile 10 Years of Pussy, qui clôturait donc leur contrat chez SPV, vous aviez aussi un bonus, un petit CD live avec quelques titres. Et puis, figure, vous aviez aussi, si vous voulez, la totale, les deux DVD, Keep on Fucking in Paris et Live in Hollywood, sortis au début des années 2000, mais là, le vraiment live audio, c'est le premier qui s'appelle donc Eat on Alive. Il a été enregistré en 2018 pendant la tournée anglaise. Et Nashville Pussy avait prévu justement de venir tourner par chez nous en cette fin d'année. Bon, malheureusement, c'est reporté à l'année prochaine, encore une fois. Donc, en attendant de les revoir, parce que c'est toujours un plaisir de voir ce groupe sur scène, on va se faire plaisir à nos petites oreilles avec tout d'abord We Want a War. Little song, I'm from Kentucky. Little song, state anthem. It is called Billbilly Blues. Here we go. au groupe le plus original de la planète, loin de là, mais alors putain que ça fait du bien. Efficacité 100%. Deux petits brûlots, Rabbit to Death, We Want a War, extrait donc tous deux du live Eaten Alive de Nashville Pussy, le plus redneck des Américains, mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Eh bien, faisons-nous la dernière nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour en Normandie où on va retrouver Hops of Freedom, groupe que je vous ai déjà présenté il y a quelques années. Groupe donc, je vous rappelle, qui existe depuis 2007, qui a sorti son premier EP en 2010 et son troisième album, son deuxième est sorti fin octobre, il s'appelle Light, Iron and Fire. C'est ce qu'on appelle du folk power, du power folk metal, enfin bref, du metal vraiment avec plein d'influences. Ça fait penser un petit peu à Rhapsody, plein de choses. Donc extrait de cet album Light, Fire and Iron, je vous invite à découvrir Last Humanity. Et je vous rappelle 0238 43 48 00. Humanity, last insanity, spread with human ambition. She fall in misery out of trouble dimension. Last humanity, last insanity, spread with human ambition. We tell people she fall in misery out of trouble dimension. ADX avec Invasion, extrait de l'album Étrange Vision, qui est ni plus ni moins que la revisite de l'album World Visions, qui était sorti en 1990, réinterprété là en française. Juste avant, c'était la dernière nouveauté de la soirée, groupe qui nous vient de Normandie, Hopes of Freedom, et leur nouvel album Light, Fire and Iron, qui était sorti fin octobre, et on a eu droit au morceau Lost Humanity. Comme tous les ans, Steps Epoxy, vous savez que dans Electric Show, on se fait toujours un petit hommage à Phil Lynott, le leader, chanteur, bassiste de Phil Lindsay, qui nous a quitté il y a de ça maintenant 36 ans, ouais, comme le temps passe vite. On s'aperçoit d'ailleurs toujours que sa musique reste toujours d'actualité et que je pense qu'il avait encore pas mal de belles choses à nous faire, à nous transmettre s'il avait été toujours là. Enfin, toujours est-il qu'on va se replonger dans le passé. Là, on va faire un tour en 1977 à Philadelphie. Et on va retrouver donc un petit album qui était sorti en 2009 sur un petit label. Donc maintenant, ça devient collector, qui s'appelait Still Dangerous. Et on va se faire un morceau, pas un des plus connus, mais enfin, un des plus péchus par contre, c'est Massacre. En hommage donc à Phil Lynott. Dancing on your grave. We'll be right back. vous aurez reconnu Motorhead, hein, bien sûr. Ça, c'était donc un hommage à Lemmy Kilmister, le légendaire chanteur-bassiste disparu il y a de ça maintenant. Un peu, oui, 6 ans déjà, puisque c'était fin décembre 2015 que le grand leader nous a quittés. Extrait donc d'un album intitulé Live 1983, sorti en 1991 et qui contient donc le concert de Sheffield, enregistré le 9 juin 1983. Ça, c'est pour les archivistes. Et c'était le morceau Dancing on Your Grave, avec un line-up un peu particulier, puisque c'était Brian Robertson qui se chargeait de la guitare. D'ailleurs, je vais jouer sur un unique album qui était Another Perfect Day. Brian Robertson, qu'on pouvait retrouver dans Thin Lizzy également sur le live La Still Dangerous, sorti en 2009, mais comprenant le concert de Philadelphie de 1977. Et là, c'était le morceau Massacre. Et lui, c'était pareil, le morceau Thin Lizzy, en hommage à Phil Lynott, le leader de Thin Lizzy, disparu il y a de ça maintenant 36 ans exactement, le 4 janvier 1986. Bon, il nous reste encore quelques minutes avant de se quitter, alors je vous laisse encore une dernière chance si vous voulez rafler un petit cadeau. Et ben, on va revenir pour ça à la réédition de Nevermind de Nirvana. Et on va faire un petit tour à Tokyo en 1992, où Nirvana jouait aussi quelques morceaux extraits de Bleach, leur premier album, comme par exemple ce Negative Creep. Alors si vous voulez rafler un petit cadeau, dépêchez-vous. This song is called Been a Son. We'll be right back. Venus on de Nirvana, live in Tokyo en 1992, voilà. C'était le dernier titre d'Electric Shock pour ce soir. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette émission. Et bien, j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine, où j'aurai bien sûr d'autres nouveautés à vous proposer. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, écoutez Plein de Métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Et je vous dis à mardi. Salut à tous. 7 dias para qualificar toda a gente, população e profissionais de saúde. A redução do período de isolamento para pessoas infectadas foi anunciada na semana passada pela Direção-Geral da Saúde, mas ainda não tem data. O Governo já garantiu, entretanto, que a medida entrará em vigor ainda esta semana, mas só depois da reunião com os especialistas no Infarmed, que está agendada para amanhã. O grupo de trabalho que está a aconselhar o Governo sugere uma redução mais